Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 7 mai 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le Conseil des ministres du 4 mai 2022 est revenu sur les états généraux de l'éducation en préparation et qui vont dégager des pistes de solutions aux défis qui hantent le secteur éducatif. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dès le début de ce journal. Environ 70 compteurs d'eau volés ces deux derniers mois dans certains des ménages des collines Kiliama et Moussema en commune Outaganzoua de la province Kayanza. Et un championnat national d'athlétisme scolaire se déroule ce week-end. Environ 1000 athlètes sont en compétition sur différentes disciplines, dont les courses lancées au stade de Muremera, du chef-lieu de la province de Ngozi. En actualité internationale, le président Emmanuel Macron a été investi président ce samedi 7 mai pour un second mandat de 5 ans. Vous aurez aussi droit à la revue de presse, ce sera après ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Les états généraux de l'éducation en cours d'organisation cette année sont nécessaires, comme le trouve le Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi de cette semaine. Ce Conseil des ministres constate que le système éducatif burundais est marqué par la démotivation du personnel enseignant et la mauvaise qualité des prestations de certains enseignants. L'objet de ces états généraux sera de trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur de l'éducation. Suivez plutôt les précisions de Prosper Nahorguamiye, il est secrétaire général de l'État et porte-parole dans cet extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Depuis 2010, le gouvernement du Burundi a entrepris une importante réforme du système éducatif à travers notamment l'instauration de l'école fondamentale au niveau de l'enseignement primaire et de la réforme BMD, baccalauréat, master, doctorat, au niveau de l'enseignement supérieur. Ces réformes étaient guidées par le fait que le gouvernement était conscient du rôle considérable que l'éducation doit jouer par le développement du capital humain dans la planification nationale. Or, la valorisation de ce capital est tributaire de l'éducation et de la formation à travers un système éducatif cohérent et adapté aux réalités socio-économiques du pays pour être en mesure d'influer sur les autres piliers du développement. Tout système éducatif doit être constamment repensé pour promouvoir une éducation qui fait acquérir à l'individu des connaissances et des attitudes lui permettant de comprendre son environnement, de poursuivre son éducation et sa formation au sein de la société et de participer plus activement au développement économique, social et culturel de celle-ci. Cependant, le système éducatif burundais est marqué par la démotivation du personnel enseignant et la mauvaise qualité des prestations de certains enseignants. Aussi, l'on constate un problème fondamental qui réside dans le fait que le système d'éducation et de formation est segmenté, sans ancrage en amont et en aval avec les secteurs économiques et sociaux. Les états généraux de l'éducation envisagés au cours de l'exercice en cours sont susceptibles de trouver des pistes de solutions aux défis si haut identifiés. Ils traduisent donc l'engagement du gouvernement au Burundi à repenser en profondeur son système éducatif afin de constituer un socle permettant d'atteindre à moyen et à long terme le développement durable de notre pays. Son objectif est de contribuer à résoudre les problèmes identifiés qui enlisent le système éducatif burundais tout en proposant des stratégies de relance pour asseoir la qualité, l'efficacité et l'efficience du secteur de l'éducation à tous les niveaux. Après analyse, le Conseil des ministres a reconnu la nécessité de ces états généraux et a recommandé ce qui suit. Bien aligner les thématiques qui seront abordées au cours de ces états généraux, montrer l'objectif voulu à travers l'organisation de ces états généraux, associer les syndicats dans la préparation de ces états généraux. C'était Prosper Nahorguamiye, secrétaire général de l'État et porte-parole. Le manque de matériel approprié pour la transformation, manque d'électricité, insuffisance en eau et manque de bouteilles pour la conservation des produits fabriqués, tels sont les défis soulevés par les agriculteurs et transformateurs de la culture d'ananas de la commune Moussangati, c'est en province Rutana. Ils demandent un appui des pouvoirs publics. De son côté, l'administrateur communal fait savoir que la commune ne cesse de sensibiliser les coopératives en général, de contracter des crédits pour surmonter certains défis. Veniste Nilamag. La Coopédie Moussangati est une coopérative des agriculteurs et transformateurs de la culture d'ananas. Elle est sur la colline Nyabigozi de la commune Moussangati en province Rutana. Hélas, 32 membres, hommes et femmes réunis. La Copedim Songati fabrique en jus d'ananas à Gahayo. Malgré ses mérites, cette coopérative a des problèmes liés au manque d'équipement moderne, manque d'électricité et manque d'eau en suffisance, comme le précise le président de la coopérative. Un autre problème est soulevé par le président de la Copedi est le manque de bouteilles pour la conservation du jus produit. Ces agriculteurs demandent au gouvernement un appui. De son côté, Claudine Niyoyitungira, administrateur de la commune Musongati, fait savoir que la commune salue les activités des coopératives et appuie ces dernières dans les limites de ses capacités. La commune donne des formations aux coopératives en général et a déjà donné des espaces à cultiver à la Copedi. L'administrateur de la commune interpelle les membres de la Copedi à contracter des crédits au sein des banques pour surmonter leurs défis. Depuis Musongati, Venice Nhiramhaga, Radio Isanganiro. Merci Veniste. Toujours dans les nouvelles des Provence, les habitants du village de la commune Guihanga en Provence et Bouvanza se plaignent de ne pas avoir d'électricité depuis bientôt 2 mois déjà, ce qui paralyse toutes les activités nécessitant du courant électrique. Ils demandent à la Régie des Eaux de régler ce problème. Et le responsable de l'antenne Régie des Eaux Centre Muzinga explique que c'est un transformateur qui est en panne et qui est en train d'être réparé. Spes Caritas. Ces habitants du village 2 de la commune Guihanga disent que ça fait à peu près 2 mois qu'ils n'ont pas d'électricité et tous les travaux nécessitant du courant électrique sont paralysés. C'est entre autres les moulins, les salons de coiffure, les studios d'enregistrement et autres, ce qui a augmenté le nombre de chômeurs selon les jeunes rencontrés dans ce village. Selon les élus collinaires contactés, le manque de courant électrique avec plus de 20 moulins décortiqueuses de riz et d'autres pour le maïs et le manioc arrêtent les activités. Ces habitants demandent aux responsables de la Régie des Eaux de résoudre ce problème. À la Régie des Eaux Centre Muzinda, on explique qu'il s'agit d'un transformateur qui est en panne et il est en train d'être réparé. Les responsables de ce centre demandent à ces personnes de patienter au moment où les mêmes habitants du village 2 disent que le transformateur qui était sur place n'était pas à la hauteur de supporter tous les branchements puisqu'il a une faible capacité et qu'il voudrait avoir 2 ou 3 autres transformateurs. Le responsable à la Régie des Eaux Centre Muzinda explique que ce n'est pas lui qui peut répondre à ce problème et précise qu'il a transmis le rapport à ses supérieurs. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana, toujours dans les nouvelles des Provence. Environ 70 compteurs d'eau volés ces 2 derniers mois dans certains ménages des collines Kiliyama et Moussema, commune Butaganzwa de la province Kayanza. Les robinets de ces ménages ont été par conséquent fermés par le service de la Régie communale de l'eau en cette commune selon les propriétaires. La population victime demande la réouverture de ces robinets. Gilbert Kougimana, représentant de la Régie communale d'eau en commune Butaganzwa, tranquillise. Il dit que cette question trouvera solution dans un proche avenir. Patrick Saint-Guillaume. Selon les informations fournies par les propriétaires des robinets dont des compteurs d'eau ont été volés à Kiliyama et à Moussema en commune Butaganzwa et qui sont d'ailleurs confirmés par les chefs colonels de ces entités administratives, ce vol des compteurs d'eau a commencé depuis le mois de février l'an courant. Les mêmes sources précisent qu'à ces collines, au moins 10 compteurs d'eau se volaient dans des ménages par semaine. Gilbert Kougimana, chef du service de la Régie communale d'eau à Butaganzwa, fait savoir que parmi ces 70 compteurs d'eau volés ces 2 derniers mois, 33 sont de la colline Moussema et 37 autres de la colline Kiliyama. Les propriétaires des robinets dont les compteurs d'eau ont été volés avec lesquels nous sommes entretenus disent que les robinets ont été fermés par les agents du service de la Régie communale d'eau à Butaganzwa. Ils demandent de la mise en place et d'autres moyens de paiement d'eau utilisés en attendant qu'ils réachètent ces appareils-là. Contactez Gilbert Kougimana, chef du service de la Régie communale d'eau à Butaganzwa, à ce propos, il tranquillise cette population victime du vol des compteurs d'eau que ce problème est entre les mains de l'administration communale, qui est d'ailleurs une issue favorable à leur endroit est prévu très prochainement. L'administration communale Butaganzwa dit être au courant de cette situation d'ivore des compteurs d'eau des robinets à Moussema et à Kiliyama et demande à la population le renforcement de la sécurité la nuit, surtout par le biais des comités mixtes de sécurité. Et quant au ménage d'un des robinets possédé encore ces dispositifs et destinés à mesurer le volume d'eau utilisée, Kanyana Janvier, administratrice à Butaganzwa, demande de leur sécurisation par des caisses métalliques. Puis Kayanza, Patrick Nsengui, pour la radio Isanganilo. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h05 à Bujumbura. L'actualité se poursuit. Championnat national d'athlétisme scolaire au stade de Muremera, chef-lieu de la province Ngozi. Ça se déroule ce week-end. Environ 1000 athlètes sont en compétition sur différentes disciplines, dont les courses, lancers et sauts. D'après Salvatore Gachaka, vice-président du comité d'organisation, les meilleurs compétiteurs se mesureront à ceux des pays de l'Afrique de l'Est au cas où la situation du Covid-19 s'améliore. En vue de la détection des talents, une autre compétition similaire dit brevet scolaire d'athlétisme aura lieu dans 2 semaines, toujours en Ngozi, pour les athlètes du 3e cycle de l'école fondamentale, c'est-à-dire des élèves de la 6e année primaire. Et 97 enfants burundais séparés de leurs parents qui se trouvaient dans les camps de réfugiés, surtout en Tanzanie et au Rwanda, ont été réunifiés avec leur famille au Burundi. Et 8 enfants ont été remis au Rwanda et à la RDC en 2021 à l'initiative de la Croix-Rouge du Burundi. Cette organisation a fait également un examen médico-nutritionnel à 96% des nouveaux détenus dans 11 prisons avec un taux de 2,9% de ceux qui avaient la malnutrition aiguë sévère et de 11,6% de malnutrition aiguë modérée. Et 955 personnes souffrant de malnutrition ont bénéficié du programme de soutien nutritionnel. C'est ce qu'a déclaré Étienne Dicourio, directeur en charge de la communication et des relations à la Croix-Rouge ce samedi. C'était lors de la présentation des réalisations de 2021 et c'est à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et Croissant Rouge célébrée le 8 mai de chaque année et c'est demain. En actualité internationale, le président Emmanuel Macron a été investi président ce samedi 7 mai pour un second mandat de 5 ans. Peu après 11 heures, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a proclamé les résultats officiels de l'élection présidentielle. 58,55% des suffrages réunis au second tour pour Emmanuel Macron le 24 avril face à la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. Emmanuel Macron a ensuite signé le procès verbal d'investiture ouvrant la voie à son nouveau quinquennat. Et alors que le gouvernement gambien a jusqu'au 25 mai pour se prononcer sur les recommandations de poursuite contre l'ancien dirigeant Yahya Jammeh, des organisations de la société civile ont fait entendre leur avis en faveur d'un procès. Cette semaine, le regroupement d'associations de victimes, d'avocats ou de femmes ont donc publié leur propre livre blanc dans lequel sont posées des questions aux autorités de la Gambie. Et ces interrogations concernent les conclusions d'une commission qui a enquêté sur les méfaits perpétrés par l'ex-chef d'État entre juillet 1994 et janvier 2017. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle que le Conseil des ministres du 4 mai 2022 est revenu sur les états généraux de l'éducation. Des états généraux en préparation et qui vont dégager des pistes de solutions aux défis qui hantent le secteur éducatif. Et environ 70 compteurs d'eau ont été volés ces 2 derniers mois dans certains ménages des collines Kiliama et Moussema, en commune Outaganzoa de la province Ngozi. Il se déroule à partir de ce week-end un championnat national d'athlétisme scolaire. Environ 1000 athlètes sont en compétition sur différentes disciplines, dont les courses, les lancers et les sauts au stade Muremera, au chef-lieu de la province de Ngozi. Et vous venez de le suivre, le président Emmanuel Macron, le président français, a été investi président ce samedi mai pour un second mandat de 5 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuihangana pour la mise en onde au micro, Jean Bosco Nduimana. Et tout de suite, vous allez suivre la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Liberté de la presse au Burundi, un pas en avant, 2 pas en arrière, titre le journal Iwachu en une de sa apparition cette semaine. En effet, le 3 mai, le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la journée de la liberté de la presse. Une occasion de rappeler le rôle fondamental des médias. Pour ce confrère, malgré les quelques signaux favorables envoyés par le président Évariste Ndayishimiye, L'environnement reste encore très hostile pour l'exercice du journalisme au Burundi. Nuance le rapport de Reporters sans frontières. Sans reprendre toutes les critiques, Iwatch retient une « maillon faible de la liberté de la presse au Burundi », reconnue par presque tous les professionnels des médias burundais, la rétention de l'information. Le droit à la liberté de la presse est étroitement lié au droit d'accès à l'information, qui recouvre celui d'informer et celui d'être informé, écrit son confrère. Or, fait remarquer l'éditorialiste de cet hebdomadaire, force est de constater que nombreux officiels, responsables politiques, administratifs et fonctionnaires ne veulent pas s'exprimer dans les médias, surtout indépendants et privés. Toute information officielle semble sensible, note Iwachu, qui poursuit en rappelant que la liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité d'enquêter librement et d'informer les citoyens sur les sujets de leur choix. Et l'éditorialiste du journal Iwachu de conclure, nos officiels devraient comprendre et respecter cette liberté. Le journal Burundi Echo revient sur la première réunion de l'année 2022 du comité de politique monétaire de la Banque de la République du Burundi. Lors de cette réunion, écrit son confrère, la BRB a présenté l'état de mise en œuvre des mesures de politique monétaire prises depuis la fin de la deuxième moitié de l'année 2019 afin d'échanger avec les différentes parties prenantes sur les enjeux liés à cette politique. Parmi les défis relevés dans la mise en œuvre de cette politique, Pélagie Nyandoui, chef de service politique monétaire à la Banque de la République du Burundi, cité par cet hebdomadaire socio-économique, évoque l'insuffisance des devises pour l'importation des matières premières, des machines et autres équipements de production pour les nouvelles industries et celles qui veulent faire des extensions de leurs activités. La Banque centrale a eu l'autorisation de contracter une ligne de crédit auprès d'une banque des Émirats arabes unis d'une enveloppe de 250 millions de dollars, écrit Burundi Echo. Avec cette enveloppe, le gouverneur de la BRB, Jean Chiza, pense qu'on peut satisfaire en devise les unités de transformation et les potentiels investisseurs. Il rassure toujours dans cet hebdomadaire socio-économique que d'ici peu, le niveau des réserves de change pourra augmenter et que les opérateurs économiques pourront être à l'aise. Revue de la presse. Sensibilisation des jeunes adolescents sur la santé sexuelle et reproductive, titre l'agence burundaise de presse. À propos d'une table ronde organisée mercredi 4 mai par l'Association pour la promotion de la fille burundaise sur le thème « La communication parents-adolescents sur la santé sexuelle et reproductive ». La consultante de cette association, Diane Kaneza, a montré que les jeunes adolescents âgés de 15 à 19 ans représentent 23% de la population burundaise et que 8% des filles ont déjà mis au monde au moins un enfant. Elle indique dans les colonnes de l'ABP que ces jeunes adolescents n'ont pas de connaissances nécessaires pour faire des choix responsables en matière sexuelle et qu'ils se contentent des informations tirées des réseaux sociaux, de leur compagnie, sur différentes chaînes de télévision et autres. Pour cette consultante, poursuit son quotidien, la famille restreinte devrait être le premier lieu de socialisation des enfants et cadre de transmission de certaines valeurs et normes par les parents. Enfin, Net Presse écrit sur le 6e anniversaire du décès de l'ancien président de la République du Burundi de 1976 à 1987, Jean-Baptiste Bagaza, mort le 4 mai 2016. S'exprimant dans les colonnes de son quotidien en ligne, son parti Le Paréna fait remarquer que cet anniversaire coïncide avec un événement qui rappelle combien son gouvernement était perspicace dans la perception des problèmes nationaux et des solutions adéquates à y apporter. Cet événement n'est rien d'autre que la demande de la naturalisation des Burundais vivant au Kenya après avoir fui l'impôt de capitation dans les années 1960. Pour les nouvelles générations qui ne le savent pas, rappelle cette formation politique dans les colonnes de Net Presse, l'impôt de capitation était un impôt que tout adulte devait payer peu importe qu'il ait un revenu ou pas, instauré depuis la colonisation jusqu'à la fin de la Première République. Cet impôt a fait fuir des milliers de Burundais vers l'Ouganda et le Kenya. Et à son arrivée au pouvoir, le président Bagaza l'a tout simplement supprimé. Ainsi, l'émigration, sur base de cette seule raison, a cessé et les familles burundaises se sont stabilisées en vivant tranquillement dans leur propre pays, rapporte Net Presse. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.